y a encore des choses dans la vie que je comprends pas. Comme pourquoi les gens y changent pas. Mais pour eux, je ne suis qu'un appât. Mais pour eux, je ne changerai pas. Le monde pense tous pareil. J'essaie de voir le monde qui pense tous de la même façon. Mais je suis pas capable de faire comme eux, on me dit que c'est moi le con. Je cherche peut-être juste à capter votre attention. Mais le public recherche de simple, il essaie de faire brûler ma flamme. Quand j'étais petit, on m'a toujours dit que si quelqu'un se jetait en bas du pont, tout le monde le ferait, ça suit comme des moutons. S'il y a du monde différent, ils prennent leur bord de maintenant. Ça talk shit, ça bitch, les réseaux sociaux, internet, l'autre ou la planète. Là, il faudrait peut-être, je m'inquiète. Ouais, pis je vois tous ces petits culs qui s'envoient chier pis qui cherchent le bif. Ça a l'air que c'est de leur âge qui font qu'ils sont des enfants. J'ai aussi passé par là, mais je ne reculerai jamais, je marcherai jamais sur mes principes. On prescrit aux jeunes des médocs parce que ça a l'air qu'ils filent pas bien. Mais après ça, ils vont se le geler, ils se scrapent la santé. Mais essayez donc de comprendre qu'il faut vous finissiez l'école. C'est important pour votre futur. Faites donc à votre tête. Continuez sur votre chemin, c'est pas de ma faute, je vous l'avais dit. Mais ce que vous faites, vous détruit. Comment à 15 ans, vous pouvez être tout le temps depressed. Prescription d'antidépresseur, ça aide pas à votre cheminement. À moins que vous aviez vécu un passé bien terrible. Mais pour vous, tout ce qui compte, c'est les parties. J'ai passé par là aussi, t'sais. Mais s'il vous plaît, venez donc pas chialer, vous avez aucun futur. Bottez-vous le cul, puis soyez fort. Y'a encore des choses dans la vie que je comprends pas. Pourquoi les gens ils changent pas? Mais pour eux je ne suis qu'un appât. Mais pour eux je ne changerai pas. Le monde pense tous pareil. Le monde pense tous pareil.